بسم الله الرحمن الرحيم الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم كذلك يضرب الله للناس أمثالهم. Au nom de Dieu, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Ceux qui ne croient pas et détournent les hommes du sentier de Dieu. Celui-ci rend leurs œuvres vaines, tandis que ceux qui croient accomplissent de bonnes œuvres et croient en ce qui est révélé à Mohammed. Il s'agit de la vérité venant de leur Seigneur. Il leur efface leurs mauvaises actions et améliore leurs conditions. Cela parce que ceux qui ne croient pas suivent la voie de l'erreur, tandis que ceux qui croient suivent la vérité émanant de leur Seigneur. Ainsi Dieu propose-t-il à chacun sa propre image. فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ حَتَّى إِذَا أَثْخَنْتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثَاقَ Dieu, il vous soutiendra et raffermira vos pas. Quant à ceux qui ne croient pas, ils courent à leur destruction et Dieu rendra vaines leurs œuvres. Cela à cause de leur aversion envers ces révélations. Alors il fera en sorte que leurs actions demeurent vaines. أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ دَمَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلِلْكَافِرِينَ أَمْثَالُهَا ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ مَوْلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَأَنَّ الْكَافِرِينَ لَا مَوْلَى لَهُمْ. N'ont-ils pas parcouru la terre pour voir ce qu'il est advenu de leurs prédécesseurs? Dieu les a anéantis, et un sort similaire attend les mécréants. Il en est ainsi parce que Dieu est le protecteur de ceux qui croient en lui, tandis que les mécréants n'ont aucun protecteur. إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم وكأين من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك أهلكناهم فلا ناصر لهم أفمن كان على بينة من ربه كمن زين له سوء عمله واتبعوا أهواءهم. Certes, ceux qui croient et accomplissent de bonnes œuvres, Dieu les fera entrer au paradis sous lequel coulent les ruisseaux. Quant à ceux qui ne croient pas, ils prennent tout leur plaisir en ce monde et mangent comme mangent les bestiaux, et le feu sera leur demeure. Et que de cités, bien plus puissantes que la tienne, dont tu as été expulsé, ô Mohammed, avons-nous détruites, sans que nul ne vienne les secourir. Celui qui se base sur une preuve claire venant de son Seigneur, est-il comparable à ceux dont on a engilivé les mauvaises actions et qui suivent leurs propres passions ? مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم كمن هو خالد في النار وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم. Voici une description. لا إله إلا الله واستغفر لذنبك بك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم. Quant à ceux qui sont dans la bonne voie, Dieu les guidera encore mieux et leur inspirera la piété. Qu'attendent-ils sinon l'avènement de l'heure, qui fondra sur eux un improviste? Certains de ces signes avant-coureurs se sont déjà manifestés, mais quand l'heure les surprendra, comment pourront-ils alors tenir compte de l'avertissement qu'ils auront reçu? Alors sache, ô Mohammed, qu'il n'y a de Dieu que Dieu, et demande pardon pour ton péché. De même que pour les croyants et les croyantes, Dieu sait parfaitement ce que vous vivrez et quelle sera votre destination finale. ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت فأولى لهم. Et ceux qui croient disent: si seulement une sourate était révélée. Mais quand une sourate explicite est révélée, et que le combat y est mentionné, tu vois ceux qui ont un cœur indécis et malade te regarder, avec le regard de celui qui s'évanouirait devant la mort. Malheur à eux. فَإِذَا عَزَمَ الْأَمْرُ فَلَوْ صَدَقُوا اللَّهَ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ أُولَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَى أَبْصَارَهُمْ. Et des paroles convenables seraient préférables pour eux. Puis, quand la décision est prise, il serait mieux pour eux de demeurer fidèles à Dieu. Car si on vous donnait l'autorité, ne risqueriez-vous pas de semer la corruption sur terre et de rompre vos liens de parenté? Ce sont ceux-là que Dieu a maudits, il les a rendus sourds et aveugles. Ne méditent-ils donc pas sur le Coran, ou leur cœur serait-il comme verrouillé? إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأملى لهم ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر والله يعلم إسرارهم فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم. Ceux qui se sont détournés après que le droit chemin leur soit clairement apparu, c'est Satan qui les a séduits et leur a suscité de faux espoirs. C'est parce qu'ils ont dit à ceux qui ont en aversion les révélations de Dieu: nous allons vous obéir dans certains cas. Dieu, cependant, connaît bien leurs conversations secrètes. Qu'adviendra-t-il d'eux quand les anges viendront recueillir leur âme à leur mort en les frappant sur le visage et sur le dos? ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم. أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ أَنْ لَنْ يُخْرِجَ اللَّهُ أَضْغَانَهُمْ وَلَوْ نَشَاءُ لَأَرَيْنَاكَهُمْ فَلَعَرَفْتَهُمْ بِسِيمَاهُمْ وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ أَعْمَالَكُمْ. Cela pour avoir suivi ce qui encourt la colère de Dieu, et pour avoir détesté ce qui lui plaît. Il a donc rendu vaines leurs actions. Est-ce que ceux qui ont une maladie au cœur s'imaginent que Dieu ne dévoilera jamais au grand jour leur haine? Or, si nous le voulions, nous te les montrerions, ô Muhammad, tu les reconnaîtrais à leurs traits, et tu les reconnaîtrais certainement au ton de leur discours, et Dieu connaît bien vos actions. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَشَاقُّوا الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُدَى لَنْ يَضُرُّوا اللَّهَ شَيْئًا